Alors, Centre fédéral Andrézieux, 57-100. Ries-Oberhofen, Angers, 79-59. Lorient-Souffelway, 71-65. Jette-Vosges-Vitré, 79-67. Rennes-Chartres, 70-72. Chalent-Tarbes-Lourdes, 80-87. Saint-Vallier-Grand-Avignon-Sorgue, 88-61. Orchy-Caen, 57-72. Et enfin, Quimper-Rueil, 83-52. C'est Caen le premier. Et Avignon se situe 17e sur 18. Voilà, Angers qui est pas mieux loti, Jean-Yves, puisqu'ils ont fait une défaite aussi à 20 points à l'extérieur pour eux. Ça va être ça va être un match importantissime parce que ça va être plus que la guerre et les Sorguets seraient bien inspirés de se mettre en mode guérilla pour gagner ce match le week-end prochain, samedi soir, parce que sans ça. Le championnat est flingué. Si tu ne gagnes pas tous tes matchs à la maison à partir de maintenant, ton championnat est flingué. Et puis il va probablement falloir aller chercher une paire de matchs à l'extérieur. Alors ça va être compliqué parce que les Avignonnais vont se déplacer trois fois, je crois, ou quatre fois. Exactement. Là, ils ont eu deux déplacements, ils ont revenu avec zéro victoire. Hein. Et ouais, alors, encore une fois, hein, ça arrive de. Enfin, pour une équipe comme le SAP, perdre à l'extérieur quand tu gagnes tes matchs à la maison. Bon an, mal an, ça peut arriver. Là, le problème, c'est que on en a trop perdu aussi. Hein. Ben, on en a beaucoup trop perdu. Et puis, quand tu regardes le classement des points encaissés contre les points marqués, eh ben, tu as un déficit. Tu as le déficit des points que tu n'as pas filés au centre fédéral alors que tout le monde les a filés. Et ben, ça va poser des problèmes. Ils ont intérêt vraiment à partir de maintenant. On se souvient la saison dernière avec Dao. À cette période-là de l'année, le SAP s'était mis en mode, on va dire, play-off, entre guillemets, et n'avait quasiment plus rien lâché pour finir par presque se qualifier en fin de saison. En tout cas, sauver leur peau. Ils seraient bien inspirés de s'y mettre là, dès maintenant. Eh bien, réponse samedi soir du côté de la plaine sportive de Sorgue, puisqu'ils recevront Angers, nous y serons. Et est-ce qu'on le mettra en direct? Eh bien, on vous tiendra au courant de la minute sportive qui passera à partir de jeudi matin. Top chrono, handball. Allez, on va venir avec le handball, bien sûr, les filles. Nos Mazanaises qui recevaient Cannes ont déroulé face à Cannes parce que c'est vrai que c'était une belle victoire, je crois que sans bavure et sans discussion possible, puisque d'après les journaux, elles n'ont fait que dérouler leur talentueux jeu face à cette équipe de Cannes. On est en train de les chercher, les Mazanaises, face à Grasse, pardon. 35-27, rien que ça déjà. Le score est lourd pour cette équipe de Grasse qui s'est déplacée du côté de Mazan, on va dire que Carl Vinsono a dû être très heureux de revoir ses filles encore une fois engranger une belle victoire, Jean-Yves. Ouais, elles, par contre, elles aussi sont vraiment mis en mode combat et en mode j'enchaîne les victoires parce que ça fait quelques semaines qu'elles enchaînent les victoires. On se rappelle, on en avait parlé après le match contre Cagnes, mais le retour de leur joueuse favorite dont le nom m'échappe qui a tout permis de re-agglomérer et de mettre le groupe en mode compétition. Et bien, en tout cas, ça fait du bien puisque les Mazanaises là enchaînent. Les deux sœurs Bernard aussi qui jouent. Ouais, bien sûr, elles aussi. C'est alors là, par contre, c'est clairement. Feu aussi. Ouais. Excusez-moi, ça, ils en ont revient. C'est ça. C'est elle dont je parlais. Les Mazanaises là, depuis le retour de cette fille, enchaînent les victoires. Alors, c'est pas elle qui fait gagner l'équipe, absolument pas. Mais elle a permis, en tout cas, de fédérer un truc autour d'elle. Et puis, elle permet de dégager des espaces, de libérer des filles autour d'elle. Exactement. Et toujours est-il que ça permet aux Mazanaises là d'enchaîner, je crois qu'elles ont enchaîné 3 ou 4 victoires d'affilée. Ouais, elles se préparent pour les playoffs. C'est dommage qu'on ne pourra pas les suivre parce que les playoffs ont été déjà annoncés. Ça se passera le 20 juin prochain. C'est bien dommage parce que Fly FM sera en repos pour suivre ce playoff. Ouais, malheureusement, en tout cas, ça donne un bon espoir aux Mazanaises de pouvoir accéder à la Ligue 2. Puisque elles sont prêtes quasiment pour y aller. Ouais, bah c'est une. On sera très heureux pour la suite puisqu'on aura l'étoile Beauvoisin. On essaiera d'aller voir ce match qui sera le match qui nous faudra pas louper puisque selon le résultat, eh bien, elles seront qualifiées pour la suite. Et devinez qui c'est qui rentre dans les studios puisqu'on l'attendait depuis tout à l'heure. C'est Monsieur Henry et ça va être du football. top chrono football. Allez, faites-moi une petite place à mon petit Henri. On va juste, Marie, on va se décaler et on va l'appeler à côté de moi, monsieur Henri. On l'adore, Henri. Henri, bien sûr, c'est le football. On va pas parler de l'Olympique de Marseille. 5-1, catastrophe. Hier soir, je devais me déplacer du côté du stade Vélodrome. Eh bien, je suis très heureux d'avoir eu un contre-temps et d'avoir resté à ma douce maison. Car devant mon téléviseur, la première mi-temps n'a été qu'un appel de souffrance, une démonstration des Parisiens dont notre ami Henri a dû être très très satisfait. Mon cher Henri, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu penses de cette Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille 5-1? C'est quoi, c'est la différence de joueurs, il faut reconnaître. Hein. Paris a une équipe aujourd'hui hors championnat. Il y a eu une différence déjà de talent. Ça, c'est talent intrinsèque et surtout je pense que il y avait une équipe qui jouait face à des plots parce qu'il n'y a pas du tout eu d'engagement de la part de l'Olympique de Marseille. Alors, rappelle-moi ce que tu viens de dire, qui jouait face à des plots. À des plots. Là, alors là, je peux vous dire que monsieur Marc Cormick, là, le nouveau président, là, c'est comme ça qu'il s'appelle, non, je crois, non hein. Matt Court. Eh bien, Matt Court, il va falloir qu'il s'y remette. Hein. Moi, je crois juste que le match était perdu avant même d'avoir commencé, parce qu'on a entendu ces Marseillais dans le couloir. Ils badaient juste ces pauvres Parisiens. Là, et tu peux pas aller casser la gueule à un mec que tu bades. C'est pas possible. Ouais, c'est peut-être le rugbyman qui parle, mais... Tu as toujours des mots difficiles, mais bon. Mais non, mais c'est juste ça. Tu peux pas faire la guerre contre quelqu'un... presque que tu regardes avec des grands yeux comme si tu le badais quoi. Alors Henri, toi qui es un petit peu plus spécialiste du football, on revient avec toi. C'est vrai que tu as dit Marseille est des plots. Oh oui, ils sont des plots. Franchement, j'étais complètement abasourdi du spectacle que j'ai vu de la part des Marseillais parce que Paris a très très bien joué. C'était une équipe de très haut niveau hier soir et je pense que il n'y a pas à rougir d'une défaite comme ça. Je crois, non, surtout qu'en face il n'y a pas eu d'engagement. Il n'y a pas du tout eu d'engagement et c'est plus ça qui m'étonne de la part des Olympiens. Mais bon. Libra a été, je veux dire, honnête. À un certain moment, il n'était pas dans le match. Il a préféré sortir que d'être ridicule parce que bon, il n'était pas bien, quoi. C'est tout, quoi. Bah, apparemment, il jouait blessé. Bon, ça fait quelques matchs qu'il joue blessé, donc. Et surtout que la plupart des buts sont venus de son côté. Donc, en première mi-temps, il a pris l'eau. Ça c'est dit. Alors, revenons un petit peu à ce qui nous intéresse. Revenons plus près de nous. Revenons dans le championnat de France et à la fois Ligue Méditerranée. Et après on verra bien sûr le district en endurance. Et je crois qu'il y a beaucoup de résultats à nous communiquer, mon cher Henri. Donc je vais commencer par la DH et notamment par les deux équipes qui nous concernent, Perne. Les Fontaines en DH qui a perdu contre le premier, l'AS Cannes, 4-0, un score sans appel. Donc, Perne est actuellement classé 11e avec 31 points. On passe à la DHR, poule B. L'US Le Pontet 2, joué contre l'US Carqueran, Cro, 0-0. Courthézon, US Cap d'Aille, 1-1. Les deux équipes sont classées pour Le Pontet, 6e avec 40 points, et Courthézon, 7e avec 38 points. On passe ensuite à la PHA, avec Montfavet qui joue contre ISBC, 3-2. Courthézon, Saint-Rémy, 5-1. Là aussi, un score fleuve. Voilà, ça cartonnait. Ce week-end, c'était le rendez-vous des buts. Il y a eu des buts. Les gens qui sont allés voir des matchs, rien qu'à voir tes résultats, c'est vrai qu'ils ont dû se régaler. Parce que quand on va voir un match de foot, c'est pour voir des buts. Ah, tout à fait. Mayanne, Tarascon, 2-2. Boulbon, Carpentras, 2-1 pour Boulbon. Avignon, US, Nyons, 3-0. Avignon, US gagne par forfait. Perne, 2, Barbantane, 3. Alors, je t'arrête, tu viens de dire, Nyon ne s'est pas déplacé du côté de l'US Avignon. Alors ça, c'est quelque chose de formidable, puisque je ne sais pas si Jean-Yves va revenir avec moi. On était allé au, quoi, pour la récompense du football. Ça s'appelait... J'étais pas, moi. Non, tu n'y étais pas. C'était les trophées du foot. Et cette équipe de Nyon était remontée en PHA. Et déjà, il y a des forfaits, ça m'apparaît invraisemblable, avec la saison qu'ils avaient fait en PHB la saison dernière. Aujourd'hui, déjà un forfait, c'est terrible, quoi. Je pense que ça doit être un problème d'effectif quand une équipe se déplace pas en général. Ouais, en général, les problèmes effectifs à ce niveau-là sont souvent liés à des problèmes d'argent aussi. Donc, voilà, alors à nouveau, ça y est, on y retourne. Non, Bon, ça va, c'est autre rien. Chose, messieurs. J'ai dit plus rien, ok. Vous êtes bien dans le chrono. Donc, en passant au PHB, poule A, le Ponté US 3 Provence 4 à 3, Étoile d'Aubune Rasto 2 à 1, Cavaillon Molège 2 à 2, Jonquière Saint-Didier 2 à 2, Entraigues Cavaillon 3 à 1, Monteux Saint-Jean-Gré Fontvieille 3 à 0 et Mossane Barbantane 0 à 2. Sachant que les Montiliens risquent de perdre leur match car ils ont fait jouer un joueur qui était suspendu lors de ce match. Ah, ça existe encore. Alors il y en a qui oublient les dossards et lui par contre il était suspendu. Ça va être voilà. Les dirigeants de l'athlète sûrement qui sont... non, pardon. Allez, on passe à la pub, on revient. Vous savez qu'on présente cette émission. Restez avec nous, on revient tout de suite avec le football.